dans cette édition de La Connexion. Les gadgets les plus intéressants du CES 2008. La moitié des internautes canadiens sont membres de Facebook. Le 3 2008 se tiendra de nouveau à Los Angeles. Quelqu'un est congédié pour avoir utilisé trop souvent Internet au travail. Et l'armée suédoise laisse une clé USB et ses documents secrets dans un ordi public. En plus, on célèbre le 20e de Final Fantasy avec une nouvelle série en concert. Bonjour et bienvenue à La Connexion, mon nom est Mathieu Plante et vous écoutez l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission qui informe, divertit et vulgarise les nouvelles technologies pour vous. On est en direct le jeudi 10 janvier de 11h à 13h, on est aussi en rediffusion mardi le 15 de 9h à 11h. Bienvenue à vous, c'est la 200e émission de La Connexion, mais c'est assez parlé de moi là. Commençons en musique, plus tard on va parler de la Wii sur la voie royale, mais tout de suite c'est Jack G. Marinovich avec En dessous à La Connexion, c'est fou 89.fm. Cymbales par la fenêtre et le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Ou elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calme et tendre. Elle est sûrement aussi, mais pas dans ces moments où elle est plutôt. Ça doit être la tasse, mon amour pour toujours. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Jack G. Marinovich avec la pièce En dessous de leur album Jackorama. C'est sur les palmarès francophones de C'est fou. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À C'est fou 89.1 FM, c'est l'émission la plus rapide au monde. Et on commence par le fil jeux vidéo, première partie. Comme si la Wii n'avait pas déjà assez bonne presse dans les médias grand public, et dit GameCult.com, on vient d'apprendre que la dernière personne du troisième âge à avoir craqué pour la dernière console de Nintendo n'est autre que Sa Majesté Elisabeth II en personne. Selon The People, la reine se serait prise au jeu en essayant la console du prince William lorsque ce dernier l'a introduit dans la résidence royale de Norfolk. Accro au jeu de bowling, de quilles, très certainement celui de Wii Sports, elle n'en décollerait pas depuis. Grâce à Nintendo, la petite Taylor Smith a pu passer un Noël plus agréable, selon Jouets.com. L'Australienne âgée de 11 ans souffre d'une maladie dégénérative qui empêche les muscles de ses jambes et de ses bras de se développer. Lorsqu'elle a essayé la Wii chez des amis de la famille, tous ont été impressionnés. Taylor maniait très bien le contrôleur qu'on avait attaché à ses poignets à l'aide d'élastiques à cheveux. Si bien que Tony Watkins, l'ami en question, écrit à Nintendo pour partager la bonne nouvelle. Résultat, juste à temps pour Noël, Nintendo a fait parvenir gratuitement une Wii à Taylor et à sa famille. Pour la première fois, elle joue à des jeux vidéo avec sa famille, disait Watkins dans une entrevue. L'audace dont a fait preuve Nintendo dans la conception du contrôleur n'est certainement pas étrangère à cette bonne nouvelle. Pour la deuxième année consécutive, la National Academy of Television Arts and Sciences a remis un Emmy Award à Nintendo, cette fois pour souligner l'excellence de la compagnie en matière de créativité. L'Académie reconnaît plus particulièrement les méthodes de contrôle innovatrices de la Wii et de la Nintendo DS, le premier système utilisant la détection de mouvement et le second un écran tactile. L'honneur a été décerné hier à Las Vegas, l'article vient de jeuxexpress.com. L'an dernier, Nintendo avait remporté un Emmy pour avoir inventé le fameux D-pad, le bouton qui se retrouve depuis sur la très grande majorité des manettes, c'est le plus. Nintendo espère pouvoir poursuivre dans le même chemin en 2008, notamment avec le volant Wii Wheel pour Mario Kart et le Wii Balance Board pour le jeu Wii Fit. Toujours au sujet de Nintendo et toujours sur jeuxexpress.com, dans une conférence téléphonique, le président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a indiqué que les prochains jeux en ligne de Nintendo pourraient supporter la communication vocale. Et je cite, « Je ne serais pas surpris de voir cette possibilité sur Wii. » Il s'agit donc pratiquement d'une confirmation selon l'article. Il serait intéressant de savoir comment la compagnie s'y prendra pour réaliser ce projet. Est-ce qu'elle offrira un casque d'écoute? L'accessoire sera-t-il prêt pour Super Smash Bros. Brawl? Eh bien, ça reste à voir. On parle toujours de Nintendo. Contrairement à ce que Reggie Fils-Aimé annonçait dans un entretien au New York Times, il ne sera pas possible de télécharger des jeux DS via le Wi-Fi de la Nintendo Wii. Le président de Nintendo of America se serait ainsi un peu trop emballé, obligeant Big N, Nintendo, à rectifier le tir et à réaffirmer sa volonté initiale, à savoir que la console portable pourra accueillir des démos de jeux et rien que des démos. Le constructeur ajoute que le téléchargement de jeux complets n'a jamais été à l'ordre du jour sur sa console aux deux écrans. Voilà qui est bien dommage, jeuxvideo.com. On passe à Sony maintenant. Sony qui va ajouter de nombreuses fonctionnalités à la PSP nord-américaine qui devrait rendre très heureux ses propriétaires. En effet, en plus de l'ajout du support de Skype, le logiciel de discussion virtuel là, avec par exemple comme un téléphone un peu mais sur Internet, Sony agrémentera sa console portable d'un GPS, d'une caméra, d'un clavier et de la possibilité de faire jouer des films en Blu-ray. Inclus dans la mise à jour prévue pour la fin du présent mois, on parle du mois de janvier, le service Skype sur la PSP possédera les fonctions de base du service sur PC, dont les appels gratuits entre utilisateurs de Skype et la possibilité de gérer les informations d'un compte via la PSP. À noter que Skype ne pourra fonctionner que sur les nouveaux modèles minces de la PSP et demandera un memory stick duo, ainsi qu'un dispositif audio compatible qui sera probablement le micro pour la PSP qui a récemment été dévoilé. Sony va aussi ajouter à la PSP des services de GPS et de caméra uniquement offerts au Japon en ce moment. De plus, la firme offrira un clavier externe pour sa console portable afin de faciliter les échanges entre joueurs en leur permettant d'utiliser autre chose que le clavier interne de la console. Ces fonctions seront disponibles plus tard cette année, Sony n'ayant pas pu être plus spécifique quant au moment précis où elles seront offertes. Enfin, lors du Consumer Electronics Show, Sony a démontré la possibilité de faire jouer un film Blu-ray dans une PlayStation 3, puis de transférer une copie de ce film à une PSP ou encore sur une barrette de mémoire. Selon la compagnie, cette fonction sera le nouveau niveau de copie de disque et permettra... cette fonction sera le nouveau niveau de copie de disque et permettra à quiconque de transporter un film Blu-ray où il le voudra. Là aussi, Sony s'est montré très vague quant à la sortie de cette fonction, bien que la firme ait déclaré qu'elle devrait voir le jour cette année. L'article vient de hardgamers.com qui a puisé ses nouvelles sur Worth Playing, IGN et Shack News. Toujours au sujet de Sony, la version 2.10 du firmware, c'est-à-dire le logiciel intégré à la PlayStation 3, est désormais disponible pour les possesseurs de cette console. Les mises à jour les plus intéressantes concernent le support des fichiers vidéo au format DVX. Hein? La taille est limitée à 2 GB par contre, et WMV aussi de plus. La fonction Blu-ray est compatible avec la version 1.1 du standard qui supporte le mode Picture-in-Picture, toujours sur hardgamers.com. Même chose pour le prochain, malgré la présence des nouvelles consoles, la PlayStation 2 de Sony demeure la plus populaire chez les joueurs américains. Selon une étude effectuée par la firme Nielsen Company, le temps passé sur la PS2 est supérieur aux consoles de nouvelle génération. La Xbox a pris 13,5% du temps de jeu et sa grande sœur, la Xbox 360, 13,3%. Surprise! Par contre, la GameCube de Nintendo accapare 7,6% et dépasse même la Wii, qui gruge 5,5% du temps. Finalement, la PS2 accapare 39,6% et écrase la PS3, qui obtient un maigre 3,7%. Un article de JXP.ca. Si vous êtes connecté à Xbox Live, oui, on passe à Microsoft. Si vous êtes connecté à Xbox Live au cours des dernières semaines, l'article date du 4 janvier, vous aurez peut-être connu des problèmes et des ralentissements très importants. Eh bien, ce fut le cas d'une grande proportion de joueurs et Microsoft vient d'expliquer la situation. Donc, le directeur général de Xbox Live, Mark Whitten, a expliqué qu'une hausse massive de l'utilisation du service a entraîné des problèmes de performance. La compagnie aurait battu le nombre de nouveaux membres et le record du plus grand nombre d'utilisateurs en même temps. Whitten affirme que Microsoft travaille fort pour régler le problème. Pour se faire pardonner, le manufacturier du Xbox 360 donnera gratuitement un jeu Xbox Live Arcade à tous les utilisateurs. Plus de détails à ce sujet seront dévoilés dans les prochains jours, dit l'article. J'ai pas vu de détails de plus que ça. Oui, je crois que j'en ai vu, en fait, je pense à ça. Croisons-nous les doigts pour que chacun puisse choisir le jeu de son choix. Je crois que c'était pas le cas. Ça me dit dommage de pas avoir la nouvelle devant moi en ce moment. Take-Two Interactive a annoncé qu'elle a mis la main sur un autre studio de développement. En effet, après Irrational Games l'an dernier, la firme a annoncé qu'elle a acquis le studio Illusion Softworks pour un montant inconnu. Ce studio joindra la grande famille de 2K Games et sera renommé 2K Check. Illusion Softworks s'est fait connaître par le passé avec des jeux tels que Hidden and Dangerous, Mafia et Viet Cong. Le studio conçoit en ce moment le jeu Mafia 2 pour Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Toujours en business, Electronic Arts a complété son acquisition de ses studios de développement pour la somme de... EA a complété son acquisition des studios de BioWare et de Panamic Studios pour la somme de 620 millions de dollars US. EA deviendra donc le propriétaire des franchises développées par ces deux studios. La transaction avait pour but d'élargir la position de EA sur le front des jeux de rôle et sur le front des jeux d'aventure. Alors, cinéma maintenant. Kristen Crook qui joue dans Smallville, encore mieux que Sarah Michelle Gellar jouait dans Buffy contre les vampires, dit l'article de jeuxvideo.com. Elle incarnera Chun-Li dans Street Fighter Legend of Chun-Li. Les directeurs de casting ne doivent pas être au courant que la belle combattante est chinoise. Enfin, l'actrice et le personnage ont tout de même des points en commun. Ce sont des femmes et elles sont brunes. C'est déjà ça, dit l'article. Le tournage du film ne commençant pas avant l'an prochain, ça laisse un peu de temps à Kristen Crook pour s'entraîner à placer son Yakuretsu Kiyaku et travailler la diction du fameux Yata, synonyme de victoire. Quoi qu'il en soit, ça ne pourra pas être pire que la précédente adaptation du jeu de combat au cinéma. C'est selon jeuxvideo.com. Plus fort que le film Dragon Ball Z, Crystal Sky Pictures annonce la préparation de film Tekken. Côté scénario, il faudra faire des concessions puisque le pitch du film évoque un univers futuriste dans lequel un jeune rebelle va s'élever contre la Tekken Corp pour libérer son peuple, dit jeuxvideo.com. Oui, bon, pourquoi pas, même si rien de tout ça n'a jamais été présent dans la série. Pour ce qui est des noms qui se cachent derrière le projet, on en connaît quelques-uns, à commencer par Dwight H. Little, à ne pas confondre avec son homonyme sans le H, qui fera office de réalisateur. L'homme affiche sur son CV Anaconda, à la poursuite de l'orchidée de sang, ou encore désigné pour mourir. À ses côtés, on trouvera le producteur Stephen Paul, dont le palmarès mentionne aussi bien Bratz le film que Resident Evil. Enfin, au scénario, on accueillera Alan McElroy, qui nous a livré l'adaptation de Spawn. Donc, l'article dit « Une belle équipe, un beau sujet, tous les ingrédients sont réunis pour faire quoi on ne sait pas trop, mais ça va sûrement être spectaculaire. Il ne reste qu'à découvrir le casting. » Là, je fais le tour des nouvelles de jeux vidéo pour l'instant. Regardons les jeux les plus loués au Super Club Vidéotron la semaine dernière. En 5e position, on retrouve Mario & Sonic at the Olympic Games sur la Wii. En 4e, c'est Need for Speed Pro Street sur la 360. En 3e, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360. En 2e, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. Et en première position, c'est Assassin's Creed sur la 360. Vous écoutez la collection. I'm not afraid to die. the fun. Hot Springs avec Fantôme Dinosaure de leur très bon album Volcano, ici à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est la deuxième partie maintenant du fil jeux vidéo. On parle des nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine. L'E3 2008, le 3 2008, ça se tiendra de nouveau à Los Angeles. Le Entertainment Software Association, l'ESA, a annoncé que le E3 Media and Business Summit va revenir dans la ville de Los Angeles, en Californie, l'année prochaine. Le 3 se tiendra du 15 au 17 juillet 2008 au Staples Center. Cette salle multisport est située dans le centre-ville de LA. Cet édifice accueille plusieurs équipes de sport comme les Kings de Los Angeles. Cet immeuble est aussi adjacent au Los Angeles Convention Center, là où avaient lieu les anciens E3. On rappelle que l'E3, c'est la foire de jeux vidéo, la grosse affaire qui se passe à chaque année. Rich Taylor, le vice-président senior des communications et de la recherche pour le ISC, a toutefois indiqué que la formule de l'E3 2008 sera la même que celui de 2007 qui avait eu lieu à Santa Monica en juillet dernier. Entre 3000 et 4000 invités triés sur le volet devraient être attendus pour l'événement. Il devrait aussi y avoir moins d'hôtesses en petite tenue, ce qu'on appelle les « booth babes » dans le domaine, qu'auparavant. Rappelons qu'avant la refonte, qui a commencé en 2006, l'E3 était le plus grand salon consacré aux jeux vidéo au monde. Plus de 60 000 personnes y assistaient à chaque année. Et pour réduire les coûts astronomiques de cet événement, les organisateurs de l'E3 ont décidé de changer la formule de l'événement en 2007. Une autre convention, on connaît désormais les dates de la Games Convention 2008. Le plus grand événement européen consacré aux jeux vidéo se déroulera du 21 au 24 août 2008, toujours à Leipzig, en Allemagne. Le salon était ouvert au public. Étant ouvert au public, l'affluence ne manque pas de battre des records d'année en année, ce qui implique inévitablement quelques petits problèmes de circulation dans les allées du bâtiment. Toutefois, si vous décidez de faire le voyage cette année, sachez qu'une nouvelle passerelle est en construction pour relier deux des principaux halls. Loin d'être suffisante, cette solution devrait tout de même permettre de désengorger quelques couloirs, selon jeuxvideo.com. Après Steven Spielberg, voilà qu'un autre réalisateur influent d'Hollywood fera le saut dans le monde du jeu vidéo. En effet, MTV Games a annoncé qu'elle s'est associée à Jerry Bruckheimer afin de concevoir un nouveau studio qui sera plutôt unique en son genre. MTV Games et le réalisateur mettront ainsi sur pied Jerry Bruckheimer Game Studio. Ce dernier est décrit comme étant un studio de jeux et d'incubation. Hein? Ce qui signifie que ce dernier concevra les jeux, mais ne les développera pas. Et je cite, « Ce sera une maison d'idées », a déclaré Bruckheimer. « Nous travaillerons avec d'autres développeurs et studios pour engager une équipe exécutive et mettre sur pied quelque chose que nous croyons intéressant. Nous travaillerons avec eux comme nous le faisons avec des scénaristes et des réalisateurs dans les films et la télé. C'est à propos d'avoir le meilleur et le plus intéressant. » Quelle phrase bien traduite. Ce nouveau type de studio donnera une grande flexibilité à MTV Games, puisqu'il pourra concevoir des jeux de tous les genres en dirigeant une équipe provenant de l'extérieur. Cela mènera à la création de jeux pour n'importe quel type de plateforme, incluant les consoles de salon et portables et le PC. De plus, MTV aimerait que certaines des idées provenant de Jerry Bruckheimer Game Studios puissent éventuellement être portées vers d'autres médiums, dont le cinéma et la télé. L'article vient de GameSpot.com, mais a été rapporté par ArtGamers. Le groupe de musique The Romantics avait récemment déposé une poursuite contre Activision au sujet de l'utilisation de la chanson « What I Like About You » dans le jeu Guitar Hero Rock the 80s. On avait parlé de ça à la collection en décembre. Or, un juge a rendu sa décision sur cette affaire et a rejeté les accusations déposées par le groupe envers Activision. Donc, lundi dernier, l'article date du 20 décembre, donc à la mi-décembre, un juge de Détroit a ainsi nié les accusations de The Romantics, de sorte que sa chanson sera toujours utilisée dans le jeu et que les ventes de ce dernier ne seront pas stoppées. Selon le juge, il n'y a eu aucune violation de droits d'auteur et Activision a fait ce qu'elle avait à faire dans le développement du jeu. Activision s'est dite très heureuse de ce jugement et a réitéré que cette poursuite était sans fondement. La firme accorde beaucoup d'importance au respect des groupes participant à ces projets et a une longue histoire pour prouver ces faits. On rappelle, The Romantics avait poursuivi Activision puisque la version de la chanson « What I Like About You » présentée dans Rock the 80s était trop semblable à sa version originale, ce que le groupe n'a pas apprécié. Toujours à l'affût du moindre record à homologuer, le célèbre Guinness Book des records sortira en février une édition entièrement dédiée aux jeux vidéo. Dans ce recueil, toutes les performances réalisées par l'industrie du jeu, que ce soit le meilleur démarrage de l'histoire, comme Halo 3 avec ses 170 millions de recettes le premier jour, ou le jeu le mieux noté, comme Zelda Ocarina of Time avec 97% de moyenne, tout est regroupé dans le livre. Même la durée de la plus longue peine de prison infligée à un joueur ayant refusé d'éteindre sa partie de Tetris dans un avion. Parallèlement au livre, un site officiel est aussi consacré au sujet. Si vous pensez détenir un record, vous pouvez alors remplir le formulaire et proposer votre idée. Des indications vous seront renvoyées avec la marche à suivre pour valider vos talents. Sachez en outre, dit jeuxvideo.com, que Marathon International Guitar Hero est d'ores et déjà planifié pour fêter la sortie du Guinness Book des jeux vidéo. L'événement débutera à Paris de 15h à 19h le 6 février, avant de passer le relais à Londres, New York, Toronto, Los Angeles et Sydney. Seule obligation, se déguiser en sa rockstar préférée ou en personnage de Guitar Hero. Tous les joueurs sont invités à s'inscrire pour participer. Et là encore, direction le site officiel pour le plus ample détail. C'est le www.gamers.guinnessworldrecords.com. Et l'article vient de jeuxvideo.com. Les liens sont la seule adresse à retenir pendant la connexion, c'est le www.unechance.com. Vous pouvez lire tous les articles, télécharger la balado-diffusion de l'émission et beaucoup plus encore, c'est le www.unechance.com. Au cours d'un entretien accordé au London Times, Steve Easterbrook de McDonald's au Royaume-Uni cite les jeux vidéo comme étant l'une des causes de l'obésité chez les enfants. Les autres causes étant la responsabilité personnelle, l'industrie alimentaire et la responsabilité de l'État, selon lui. Dans un sens, il est vrai que de rester assis sur son canapé n'a jamais permis de brûler beaucoup de calories, mais il paraît assez malhonnête de blâmer les jeux vidéo lorsqu'on dirige soi-même la branche anglaise de Big Mac & Co., dit jeuxvideo.com. L'Écosse, ce ne sont pas que des monts verdoyants où s'ébat notre Christophe Lambert national, dit jeuxvideo.com. T'es le Labrador dans une publicité pour aliments canins, d'accord. Et non, le pays est aussi renommé pour son délicieux whisky, le fameux scotch, à consommer avec modération, bien sûr, surtout au volant. L'humour de jeuxvideo.com est délicieux. C'est le message que l'organisation gouvernementale Safer Scotland va tenter de faire passer auprès des amateurs de jeux de course. Ainsi, les joueurs écossais de Need for Speed Carbon, de Project Gotham Racing 4 et plus curieusement de Pro Evolution Soccer 2008 verront s'afficher des messages préventifs sur les panneaux d'affichage lors de leur partie online. Une initiative originale, dit l'article, et puis c'est toujours mieux que de la publicité pour des chewing-gums dans un Splinter Cell. On pensait que Manhunt 2, dans sa version légèrement édulcorée, avait finalement obtenu le droit de venir terroriser les ménagères britanniques après un premier verdict positif de la justice. Oui, sauf que non, dit encore une fois jeuxvideo.com. Le dernier rebondissement en date de la saga judiciaire de l'année nous vient encore une fois de la BBFC, la British Board of Film Classification, qui décide de porter l'affaire devant la haute cour. Autant dire que le jeu ne débarquera pas de sitôt dans tous les fish and chips du royaume. Pourquoi suffit-il d'écrire Duke Nukem Forever quelque part pour qu'on pense tout de suite qu'il s'agit d'une blague? Dit encore une fois jeuxvideo.com. Je déteste leurs articles, je devrais arrêter d'aller là. Georges Broussard parle au nom de 3D Realms sur leur forum officiel et annonce la diffusion d'un teaser pour le plus grand vaporware du siècle en développement depuis 1997. Sérieusement, Duke Nukem Forever est en développement depuis 11 ans maintenant. Inutile pour l'heure d'essayer de vous rendre sur le forum de 3D Realms, il vient d'exploser. Mais l'article a été mis à jour pour dire le trailer dont on parlait est désormais accessible. Pour ceux qui seraient passés à côté, il suffirait de cliquer sur le lien de l'article. Un teaser pour Duke Nukem Forever, c'est sur le www.unechance.com. Et Scott Miller de 3D Realms a aussi confié à MCV UK qu'il n'était pas exclu de porter Duke Nukem Forever sur d'autres supports que le PC si c'est possible. On peut s'attendre à voir le jeu débarquer sur PS3 ou Xbox 360, à condition bien sûr que ces machines existent toujours le jour où on aura droit au prochain trailer du jeu. Au cours des dernières semaines, Jouer.com a dévoilé son 5e palmarès des meilleurs jeux de l'année, élaboré par des journalistes québécois. Une vingtaine de jeux ont retenu l'attention du jury. Et l'article palmarès Jouer.com des meilleurs jeux de 2007 résumé sur Lunchance.com vous offre justement le résumé complet. Je vais vous dire quels jeux ont gagné. Les explications sont dans l'article. Le meilleur jeu de 2007 est pour eux Super Mario Galaxy sur la Wii. Les meilleurs jeux PC sont en position 3, 2 et 1. Call of Duty Modern Warfare, BioShock et The Orange Box. Sur Xbox 360, c'est BioShock, Call of Duty 4 Modern Warfare et The Orange Box également. Les meilleurs jeux PlayStation 3, en 3e Uncharted Drake's Fortune, en 2e Ratchet & Clank Future Tools of Destruction et en numéro 1, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare. Sur PlayStation 2, on retrouve Rogue Galaxy, Guitar Hero 3 Legends of Rock et en première, c'est God of War 2. Les meilleurs jeux PSP, en 3e Final Fantasy Tactics War of the Lions, en 2e Ratchet & Clank Size Matters et en première, c'est Jeanne d'Arc. Sur la Wii, Resident Evil 4 Wii Edition est en 3e, Metroid Prime 3 Corruption en 2e et Super Mario Galaxy en première. Sur la DS, Puzzle Quest Challenge of the Warlords est en 3e, Hotel Dusk Room 215 est en 2e et The Legend of Zelda Phantom Hourglass est en première. Les meilleurs jeux multiplateformes maintenant, en 3e Ghost Recon Advanced Warfighter 2, en 2e Call of Duty 4 Modern Warfare et en première Guitar Hero 3 Legends of Rock. Et finalement, meilleures expansions et épisodes. En 3e, c'est The Elder Scrolls 4 Shivering Isles. En 2e, c'est Sid Meier's Civilization 4 Beyond the Sword. Et en première, c'est Half-Life 2 Episode 2. Voilà, si vous voulez plus d'informations et des articles supplémentaires, allez voir l'article palmarèsjouer.com des meilleurs jeux de 2007 résumé sur le www.unechance.com. Parlant de Jouer.com, il vous offre une rubrique indispensable pour les joueurs francophiles, la liste des jeux disponibles en français sur les ordinateurs et les consoles de jeux vidéo en circulation au Québec. Ça a été mis à jour. La plus récente mise à jour, d'ailleurs, comporte une vingtaine de nouveautés. Et la section PC a fait l'objet d'un important remaniement. Allez voir ça sur unechance.com. Comme prévu, le jeu Universal Combat de 3000 AD vient d'être mis à disposition gratuitement sur Filefront ou Gamer's Hell, contre un téléchargement de 445 MB. Faut noter que le titre a tout de même été amputé de son mode multijoueur ainsi que d'une partie de sa bande son, mais quand même un jeu gratuit. Universal Combat, allez voir le unechance.com pour le lien. Quoi de mieux qu'une petite rumeur pour commencer ou terminer la journée, dit l'article de jeuxvideo.com. Selon certains blogs, dont Marketsa, Ubisoft pourrait joindre une jolie paire de lunettes stéréoscopiques lors de la sortie de son jeu Avatar, qui est l'adaptation du film de James Cameron. Réalisé tout en 3D, le film serait effectivement une bonne source d'inspiration pour réaliser un jeu également en 3D et du coup se servir du fameux accessoire. Ce ne serait pas la première fois d'ailleurs qu'une paire de lunettes serait fournie avec un jeu. On se souvient de Heart of Darkness ou encore Rad Racer. L'article dit « On espère que le résultat, s'il est confirmé, sera plus convaincant pour le titre de Ubisoft. Jusque-là, les effets 3D donnés par ce genre de monture n'ont jamais vraiment remporté l'unanimité. » Nous allons en bref pour vous annoncer, vous signaler qu'il y a 20 ans, la semaine du 20 décembre, la série Mega Man est devenue une des plus importantes de l'industrie. On a rapidement suivi Mega Man Z, Mega Man Legends, Mega Man Zero et Mega Man Battle Network. Le producteur de la franchise, Kaiji Inafune, promet que les aventures de Rockman continueront afin de pouvoir fêter les 25e et 30e anniversaires. Et voilà une autre nouvelle qui a rapport avec les 20 ans. C'est aussi le 20e anniversaire de Final Fantasy. C'était il y a 20 ans que ça a été lancé au Japon, sans savoir que ça allait devenir le premier d'une série de jeux de rôle parmi les plus joués et adulés dans le monde. Deux décennies plus tard, le 13e volet est en préparation et Final Fantasy aura aussi servi à produire plusieurs jeux dérivés comme Final Fantasy Tactics et Final Fantasy Crystal Chronicles. Un film a aussi été produit et justement, parlant de Final Fantasy, on commence une nouvelle série en concert cette semaine à la Connexion. Eh bien, c'est Final Fantasy VII, Voices of the Live Stream. Et on va commencer par la pièce qui ouvre cette superbe collection créée par des gens comme vous et moi, des simples mortels. Et on commence par Pixie Trix et l'artiste Zircon. La pièce s'appelle Deliverance of the Heart, Heart of Anxiety. On parlera de cette série un petit peu plus tard à l'émission, mais on écoute ça tout de suite à la Connexion, c'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89.1 FM. Into the une deuxième pièce de la série Final Fantasy VII Voices of the Live Stream. Mon retour à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM dans vos oreilles. Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, on va parler encore un petit peu de jeux vidéo avec des choses qui s'en viennent bientôt sur vos écrans et moniteurs et autres appareils sur lesquels on diffuse des images, là. Waouh! Mais pour l'instant, on continue notre série en concert. On est en plein milieu de Final Fantasy VII Voices of the Life Stream. Et la deuxième pièce, c'est Big Giant Circles qu'il a fait. Elle s'appelle Every Story Begins with a Name, Opening Bombing Mission. Donc, Final Fantasy VII Voices of the Live Stream, c'est un album de Overclock Remix qui met en vedette des arrangements faits par des fans du jeu. C'est complètement gratuit. Ça a été, dans le fond, c'est basé sur la trame sonore du jeu légendaire de Square, Final Fantasy VII, pour la Sony PlayStation. Ça passe du jazz au techno, au rock, au classique. Il y a 45 pièces, au-dessus de 45 pièces de 40 artistes différents, même plus, qui interprètent la musique de Nobuo Uematsu avec leur propre style unique. Si vous voulez télécharger la collection complète, télécharger les couvertures pour faire votre propre CD, rendez-vous au FF7. Je parle en anglais aujourd'hui à tout bout de champ. FF7.ocremix.org. Et c'est très très bon. On écoute la deuxième pièce et on revient avec la chronique bientôt sur vos écrans et moniteurs. Big Giant Circles avec Every Story Begins With a Name de la très très très bonne série Final Fantasy VII Voices of the Life Stream. Allez voir le ff7.ocremix.org pour télécharger cette très bonne série en plus de 45 parties. On discutera à travers les prochains mois sur la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est ce que vous écoutez en ce moment. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique bientôt sur vos écrans, moniteurs et autres surfaces d'affichage. Regardons les nouveautés en magasin cette semaine. C'est la période après le temps des fêtes. Boxing Month un peu. Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans les jeux vidéo. Mais quand même, certaines sorties à noter. On commence par celle sur multiplateforme. Sonic Riders Zero Gravity sort sur Wii et PlayStation 2 de Sega. NFL Tour sur Xbox 360 et PS3 de Electronic Arts. Et Harvey Birdman Attorney at Law, basé sur la série télé sur Nintendo Wii, PS2 et PSP. Ça vient de Capcom. Sur la Nintendo DS, on retrouve Jackass The Game de Red Mile Entertainment et Sea Monsters Prehistoric Adventure de DSi. Sur PlayStation 2, Yu-Gi-Oh! GX The Beginning of Destiny de Konami, World Championship Paintball de THQ et Dance Dance Revolution Disney Channel de Konami. On peut s'imaginer que les enfants vont bien aimer. Sur la Nintendo Wii, Luxor Pharaoh's Challenge de Mumbo Jumbo et sur Xbox 360, Kingdom Under Fire Circle of Doom de Microsoft et Omega 5 sur Xbox Live Arcade de Hudson. En ce début de 2008, Nintendo propose deux autres classiques via son service en ligne de console virtuelle Virtual Console. Donc, vous pouvez désormais mettre la main sur les jeux Star Tropics et The King of Fighters 94 via ce service de la Wii. Mélange de jeux de rôle et d'aventure, Star Tropics vous permettra de prendre le contrôle d'un homme rendant visite à son oncle archéologue dans les tropiques. Et premier jeu de la franchise The King of Fighters, The King of Fighters 94 vous permettra de combattre en incarnant plusieurs personnages des séries Fatal Fury, Art of Fighting, Ikari Warriors et Psycho Soldier, en plus de combattants exclusifs au jeu. Le site de l'Entertainment Software Rating Board, le SRB, l'organisme qui cote les jeux, c'est eux qui mettent les petits logos là, M pour mature sur le coin de vos jeux. Ils viennent d'ajouter 3 jeux Xbox Live Arcade à leur base de données publiques, 3 titres dont l'existence n'était pas encore connue. Il s'agit d'abord de Peggle, un petit jeu très accrocheur de PopCap Games. Ensuite, Codemasters travaille sur Bliss Island et Majesco prépare vraisemblablement Ultra Bust Move. Et dans ce dernier cas, il pourrait s'agir de la version Xbox qui serait offerte via le programme Xbox Original. Ceux qui ont essayé... L'identité du prochain bébé de Gas Powered Games est enfin dévoilée. Le magazine Games for Windows a mis la main sur des informations exclusives au sujet du jeu de stratégie en temps réel Demigod, qui s'inspirera du mode Defense of the Ancients de Warcraft 3. Demigod vous permettra de contrôler l'un des nombreux héros demi-dieux proposés, certains survivant uniquement grâce à la force de leur pouvoir et d'autres supportant leur survie avec l'aide d'unités et de bâtiments. Le jeu ne se centrera pas sur la production de ressources comme la plupart des jeux de stratégie traditionnels et proposera un mélange de stratégie et d'action. Bien qu'il y aura une campagne solo, le point central du jeu sera sa portion multijoueur, particulièrement quant au mode coopératif inclus. En fait, selon Gas Power Games, la portion solo servira d'entraînement pour la portion multijoueur. Il est impossible de savoir quand sera lancé Demigod pour le moment. Et pour en savoir plus, il faudra attendre l'édition du mois de février du magazine Games for Windows qui paraîtra prochainement. L'article vient de rgamers.com basé sur oneup.com. Square Enix a dévoilé les jeux qu'elle lancera en sol nord-américain au début de l'an prochain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la firme nous promet un très beau début d'année 2008 sur différentes plateformes. En effet, autant sur Nintendo DS et PSP que sur Wii, la firme proposera divers jeux qui combleront sans aucun doute de nombreux joueurs. Sur la console portable de Nintendo, on va avoir droit à Final Fantasy Crystal Chronicles The Ring of Fate le 11 mars. Il sera suivi du jeu The World Ends With You le printemps prochain. Ce jeu qui s'appelait précédemment It's a Wonderful World est décrit comme étant un jeu d'action et de rôle qui tirera profit du stylet de la DS. Sur PSP, Square Enix ne lancera qu'un seul jeu au début de 2008, mais non le moindre. La compagnie mettra en vente Crisis Core Final Fantasy VII le 25 mars. Voilà. Et enfin, les propriétaires de Wii ont finalement une date de sortie pour le très attendu Dragon Quest Swords, The Masked Queen and the Tower of Mirrors. Et ça, c'est un seul jeu, là. Dragon Quest Swords, The Masked Queen and the Tower of Mirrors. Ça va être mis sur le marché le 26 février prochain. Voilà qui fait le tour des nouveautés en magasin très bientôt et des choses qui vont être bientôt sur vos écrans et moniteurs. Voici maintenant le top 5 des jeux les plus populaires sur le site de jeux vidéo oneup.com. En cinquième, on retrouve Kingdom Under Fire sur la 360. En quatrième, c'est Silent Hill 5 sur la 360. En troisième, Soul Calibur 4 sur la 360. En deuxième, Silent Hill 5 sur la PS3. Et en première, un jeu qui s'appelle Soul Calibur 4 sur la PlayStation 3. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. C'est La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM dans vos oreilles. De Slow King à La Connexion, et c'est déjà la fin de la première heure. Dans la deuxième, on va parler de failles trouvées dans OS X. Il y en a plus que dans Windows, apparemment. Et de Apple qui fait fermer Think Secret. On va aussi parler du Canada dans iTunes. Des artistes francophones de notre pays sont maintenant dans iTunes. Tout ça dans la deuxième heure de La Connexion. Émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Au 89 FM, restez avec nous. Dash.com.

avec. C'était la première fois sur les palmarès francophones de C'est fou au 89.1 FM. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans cette émission qui couvre tout depuis le 17 décembre. Moi, je suis comme ça. Quand je rate une émission, je dois tout reprendre. Donc, une émission chargée de contenu. Maintenant, parlons d'informatique, les choses qui sont passées dans le domaine des ordinateurs. Selon la firme Secunia, le système d'exploitation d'Apple Mac OS X, Tiger et Leopard a été atteint par plus de failles hautement critiques en 2007 que Windows Vista et XP réunis. D'après les chiffres de l'étude, Mac OS X totalise 234 failles hautement critiques. En revanche, Vista et XP ont combiné que 23 failles hautement critiques. On notera cependant que Windows XP et Vista ont été victimes de 4 failles extrêmement critiques, 3 pour XP, 1 pour Vista. Et il n'y a eu aucune de recensée cette année pour Mac OS X, qui a fait l'objet de 20-25 failles en moyenne par mois. À titre de comparaison, les deux plus récents systèmes d'exploitation de Microsoft ont cumulé 3,67 failles mensuellement. Toutefois, le nombre élevé de vulnérabilités d'un logiciel ne signifie pas nécessairement qu'il est moins sécuritaire que les autres. Selon plusieurs experts dans le domaine, c'est plutôt les codes et programmes malveillants qui jouent sur la sécurité d'un système d'exploitation. Secunia est une firme danoise fondée en 2002 qui travaille dans la sécurité informatique. Elle est surtout connue pour réparer les vulnérabilités dans plus de 12 000 logiciels. Poursuivi depuis 2005 par Apple, le site internet de rumeurs ThinkSecret fermera finalement ses portes, a rapporté à la BBC fin décembre. Dans sa poursuite contre ce site, qui a révélé de nombreux produits d'Apple avant même qu'il ne soit officiellement lancé, la compagnie californienne exigeait que le créateur de ThinkSecret lui dise qui étaient les employés un peu trop bavards de son équipe. Plutôt que de consentir à révéler ses sources, le créateur de ThinkSecret, un étudiant de 22 ans de l'université américaine de Harvard, a décidé de fermer son site avec l'approbation d'Apple, évidemment. De son côté, Apple n'a pas publié de communiqué de presse officiel, mais son porte-parole a indiqué à la BBC que la compagnie était contente de tourner la page. Lors du procès, les avocats de la compagnie soutenaient principalement que les blogueurs ne sont pas des journalistes à part entière et ne disposent des mêmes droits pour protéger leurs sources. Nick Ciarelli, qui a fondé le site Internet lorsqu'il avait 13 ans, était soutenu financièrement lors du procès par l'Electronic Frontier Foundation, un organisme qui vise notamment à faire respecter la liberté d'expression sur Internet. Parlons un peu de Facebook. Les Canadiens sont plus présents que jamais sur la plateforme de réseautage social. Après que Toronto soit devenue la première ville nord-américaine ayant plus d'un million d'usagers sur le site, voilà que le nombre d'inscriptions canadiennes a doublé dans les trois derniers mois, selon une étude de Zinc Research réalisée en partenariat avec Dufferin Research. En un peu plus d'un an, Facebook a recruté 7 millions d'abonnés. Il s'agit d'une croissance phénoménale et elle ne semble pas en voie de ralentir, selon Brian F. Singh, administrateur chez Zinc Research. Le membre moyen du site est une femme âgée de 18 à 34 ans. Que font tous ces membres? Certains ont pu retrouver d'anciennes amitiés et peuvent désormais rester en contact avec leur famille et leurs amis partout au pays et au monde, selon Singh. Dans les trois derniers mois, les trois quarts des inscriptions canadiennes à des sites de réseautage social ont été faites sur Facebook. Toujours au sujet de Facebook, les internautes peuvent maintenant consulter la définition du terme Facebook dans la toute dernière version du dictionnaire anglais Collins, selon l'agence France Presse. La définition qu'on peut lire du mot Facebook est la suivante, un site Internet populaire de socialisation. Un porte-parole de l'éditeur a précisé que le nom du site Internet créé par Mark Zuckerberg figurait dans le Collins en tant que nom de marque. Facebook est aussi considéré comme un verbe. Ce terme signifie « chercher le profil de quelqu'un sur Facebook ». Par exemple, selon le dictionnaire, il serait correct de dire « je te Facebook » avec un « e » à la fin. Le porte-parole explique que l'entrée de Facebook dans un dictionnaire par le fait que ce site web a été le phénomène de 2007 avec 200 000 nouveaux membres quotidiennement. Des termes comme « subprime » qui est prêté de l'argent à quelqu'un ayant un mauvais profil de crédit avec un taux d'intérêt généralement supérieur ou encore « green collar », une personne qui travaille pour la protection de l'environnement, ont également fait leur apparition dans le Collins. Les gens pourront accéder à ces nouvelles définitions sur le site web du dictionnaire et dans l'édition papier de 2008. Parlons iTunes maintenant. iTunes, le magasin de musique en ligne d'Apple, accueillera bientôt des chansons composées par des artistes francophones de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, selon la presse canadienne. Pour mener à bien ce projet, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique recevra une subvention de 19 000 $ du ministère de la Culture de l'Ontario. L'APCM s'est fixé un délai maximum de 6 mois pour intégrer les quelques 170 titres de ses 150 membres dans iTunes. Le directeur général par intérim, François Carrier, affirme que ce projet est une nouvelle importante pour tous les artistes que l'APCM représente. M. Carrier estime que le rayonnement de cette boutique virtuelle est international. Les chansons des membres de l'association auront donc plus de chances de se faire connaître si elles sont accessibles sur iTunes. Présentement, les chansons des artistes représentés par l'APCM sont presque exclusivement disponibles sur le site web de l'association. L'APCM est un organisme qui œuvre dans la diffusion des produits culturels et dans la promotion de ses artistes membres. Cet organisme travaille également sur le développement et l'épanouissement des œuvres musicales francophones de l'Ontario et de l'Ouest canadien. Vous avez certainement entendu parler de cette nouvelle dans les grands bulletins québécois. Michel Lévesque, l'homme de Saint-Eustache, qui avait mis en vente un banc de neige sur le site d'enchères eBay à 99 cents, a finalement pu vendre son bien. C'est la famille Fraser de Longueuil, positionnée au troisième rang des enchérisseurs, qui a accepté de verser 3 550 $ pour le magnifique banc de neige de M. Lévesque. Celui qui avait initialement gagné l'enchère, un jeune originaire de Contrecoeur, avait signifié à Michel Lévesque qu'il ne souhaitait pas acheter le banc de neige. Cet acheteur a même indiqué aux travailleurs de Bombardier qu'il n'était pas au courant de cette enchère. Il ne croyait pas que son compte eBay était encore actif. Le deuxième acheteur s'est également désisté. Comme il l'avait dit plus tôt, M. Lévesque remettra la totalité de la somme à Opération Enfant Soleil grâce à un accord avec l'organisme à but non lucratif et eBay. Malgré ce qui est arrivé, Michel Lévesque garde un très bon souvenir de cette expérience. Il a trouvé ça très amusant. L'homme est également heureux de donner une telle somme à l'organisme qui amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité. Pour rappeler, l'enchère a débuté le 19 décembre dernier et n'était au départ qu'une simple plaisanterie. Oui, l'article vient de branchezvous.com. Voilà qui fait le tour pour le fil informatique et les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs. Maintenant, regardons les mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En cinquième position, on retrouve les packs. Ça monte. En quatrième, descente pour YouTube. En troisième, montée pour Hotmail. En deuxième, descente pour l'Auto-Québec. Et en première, de retour à la première position. Enfin, c'est Horoscope. Vous écoutez La Connexion au 89.1 FM. Dans vos oreilles. Se déroule sans moi. Tous les beaux moments, je ne les goûte pas. Celui qui vous passe est un autre que moi. Si je suis vivant, eh bien je ne sais pas. Où que j'aille, je ne suis jamais à ma place. Mes sourires semblent plus à des grimaces. Et porter un masque, je trouve ça dégueulasse. J'en ai plus qu'assez de traîner ma carcasse. Oui, je sais les oiseaux chanter, les filles sont belles. Et j'avais des rêves grands comme des gratte-ciels. Mais les choses maintenant ne sont plus pareilles. Bientôt sera venue l'heure du grand sommeil. La lune est pleine, je pleure comme une fontaine. Couché à côté de l'auto américaine. De mes parents, je suis sûr qu'ils m'aimaient. Mais le monoxyde commence à faire effet. Je serai Loski et la pièce Je vous aime mes amis à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Avant de passer à la pause, voici notre quiz musical de la semaine, nommé le jeu qui joue derrière moi. Je vous donne un indice, c'est sur la Xbox. Passez-y, on vous donne la réponse au retour à la connexion à CFOU 89.1 FM. Demandez de nommer le jeu qui joue derrière moi. Je vous donne encore quelques petites secondes pour y penser. La réponse, c'est Ghost Recon sur la 360. Est-ce que je suis allé trop vite? C'est pas sur la 360, c'est sur la Xbox normale. Je crois que j'ai dit 360. Oh. Peu importe. Dernière demi-heure avec plein de choses, dont le bloc Cybercrime, un petit bloc sur le CES 2008. Et on verra ce qui nous reste. Pour l'instant, voici une pièce de Sundry Lurky. To be surprised. Au 89.1 FM, dans vos oreilles. Trop de choses en même temps. C'est normal, on vire fou un peu. Ouais. Vous me pardonnez, là. Say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. else can you do but hope and pray and say that we'll get by. Be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. It's all I know. Sandrine Lurky et To Be Surprised de la connexion. Maintenant, c'est la chronique Cybercrime. Cybercrime, les nouvelles qui ont marqué le monde, tout ce qui est croche sur Internet, en technologie et dans la vie, tout ce qui a rapport avec ça. On commence par un employé de la ville de Belœil qui a été congédié parce qu'il utilisait trop souvent Internet à des fins personnelles au travail. Le technicien aux travaux de voirie, Daniel Nadeau, allait sur la toile 3 heures par jour, selon le Journal de Montréal. Pour prouver ses allégations, l'administration du maire Réal Jadot a engagé les firmes Circo et Filature Qualité. Qualité, oui, pour espionner les activités sur le web de l'homme qui comptait 19 ans de service pour la municipalité. Le rapport conclut qu'entre le mois de mai 2004 et le mois de mai 2006, M. Nadeau a procédé à 10 105 visites irrégulières sur le web. Là-dessus, 99% passé du temps passé n'avait aucun lien avec son emploi. L'enquête a aussi révélé que l'employé municipal préférait visiter des sites d'actualité, d'achat en ligne, de cyberbavardage et de rencontres. D'après la directrice des ressources humaines pour la municipalité, c'est la première fois qu'un congédiement pour de tels motifs survient. Mme Racicot ajoute que la ville de Belœil tolère les courtes visites sur la toile. Par contre, les abus doivent être punis. Selon le syndicat canadien de la fonction publique, la municipalité n'aurait pas dû congédier Daniel Nadeau puisqu'il a reconnu sa faute. D'autres mesures disciplinaires auraient dû être appliquées. L'article vient de branchezvous.com. L'armée suédoise a reconnu vendredi, ça fait un petit bout quand même, l'article date du 4 janvier, que l'un de ses membres avait oublié une clé USB contenant des documents classés secrets défense dans un ordinateur public de Stockholm. Et je cite, « Nous prenons très au sérieux ce genre de négligence », a dit le colonel Bengt Sandström du service de renseignement et de la sécurité militaire dans un communiqué. Selon le quotidien suédois Aftonbladet, qui a renvoyé la clé USB à l'armée après l'avoir reçue d'un expéditeur anonyme, elle avait été oubliée dans un ordinateur d'une bibliothèque publique. D'après le journal, les documents contenus dans la clé USB comprenaient une analyse de la situation en Afghanistan ainsi qu'un rapport secret du renseignement américain. Selon l'armée, la clé contenait des informations classées ou non secrètes, comme des informations sur les menaces posées par les engins explosifs improvisés et les mines en Afghanistan. Deux des dossiers étaient classifiés. Plusieurs autres pays, outre la Suède, étaient mentionnés selon l'armée qui n'a pas précisé lesquels. Le colonel devait rencontrer vendredi les attachés militaires des pays mentionnés dans les documents pour discuter de l'incident. L'armée a fait savoir qu'un employé avait avoué l'oubli et qu'une enquête technique préliminaire avait confirmé que la clé lui appartenait. Une enquête civile doit être lancée et le contenu de la clé va être analysé pour déterminer les dommages potentiels qui auraient pu être causés par son oubli. Une tablette d'argile de plus de 4000 ans, probablement obtenue illégalement en Irak, a été retirée de la version suisse de eBay quelques minutes avant la fin de son enchère. La tablette a été découverte sur eBay par un archéologue allemand qui naviguait sur la version suisse du site d'enchères eBay. Après avoir contacté les autorités allemandes, ces dernières ont à leur tour averti le gouvernement suisse et eBay a pu arrêter la vente à temps le 12 décembre dernier. La tablette d'argile en question date d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ et est écrite en cunéiforme, l'une des plus anciennes écritures mises au point en Mésopotamie vers 3500 ans avant Jésus-Christ. Ces tablettes de la taille d'une carte d'affaires étaient utilisées pour noter à peu près tout, des livres comptables à la correspondance. Le vendeur de la tablette, un résident de Zurich, pourrait faire face à une amende de 430 000 $ et pourrait devoir faire du temps en prison s'il est reconnu coupable de contrebande de biens culturels. En Suisse, il est interdit de vendre ou d'acheter un bien culturel irakien ayant été sorti du pays après 1990. De nombreux trésors irakiens ont été pillés des musées de Bagdad après l'invasion américaine de 2003. Les informations personnelles, comme les noms d'usagers et les mots de passe des clients du site Internet de Poste Canada réservés aux entreprises, sont accessibles sur la toile, selon The Globe and Mail, ou au moins l'était en date du 17 décembre dernier. Un homme d'affaires de Vancouver a découvert cette faille informatique la semaine dernière. On parle évidemment de la semaine du 10 décembre. Un homme d'affaires de Vancouver a découvert cette faille donc en effectuant une recherche sur sa compagnie grâce au moteur de recherche Yahoo. Le premier lien figurant dans la liste de recherche affichait son nom d'utilisateur et son mot de passe pour accéder au site web de Poste Canada du nom de Sell Online. L'homme a aussi découvert qu'en changeant la date dans la barre d'adresse de son navigateur Internet, il pouvait se rendre à des douzaines de sites contenant diverses informations personnelles pour accéder à Sell Online. Ce propriétaire d'entreprise a dit au journal qu'il était sous le choc. D'après lui, ce genre de renseignement ne devrait pas être sur le domaine public, évidemment. Quiconque, selon lui, entrerait dans son compte d'utilisateur de Poste Canada pourrait avoir accès à son numéro de carte de crédit. Un porte-parole de Poste Canada a indiqué que la Société de la Couronne ne pouvait pas encore identifier la source de cette brèche informatique. Il a ajouté que les noms d'usagers qui étaient expirés et les mots de passe ne devraient pas causer de dommages aux consommateurs. Là, je fais le tour pour le bloc Cybercrime, les nouvelles croches de la semaine. Regardons, en parlant de gens croches, les gens qui ont cherché des trucs pour battre des jeux sans avoir à travailler trop fort. C'est le top 10 des mots trichés, des jeux trichés sur GameFAQs.com. La cinquième position est sur Xbox 360, c'est COD 4 Modern Warfare. En quatrième, c'est Pokémon Diamond DS. En troisième, c'est Final Fantasy 12 sur la PS2. En deuxième, c'est Mass Effect sur la 360. Et en première, c'est Zelda Phantom Hourglass sur la Nintendo DS. Maintenant, changeons subtilement de thème pour parler un petit peu du CES 2008 dans le bloc à thème. Oui, le CES 2008, donc quelques gadgets des plus surprenants au Consumer Electronics Show de Las Vegas. En bref, selon l'agence France Presse, une guitare invisible. Oui, vous jouez dans le vide avec un plectre en mimant les gestes d'un guitariste de rock, par exemple, avec autour de la taille une ceinture intégrant un petit amplificateur et un capteur de mouvement. Quand on joue dans l'air, résonnent les accords de votre guitare virtuelle, Guitar Hero Air Rocker, de la société californienne Jada Toys. Il y a aussi un masque de plongée intégré dans une caméra sous-marine pour que les nageurs puissent enregistrer des films et des photos sans les mains. Ça, c'est la société Liquid Image. Il y a un téléphone portable vidéo pour sourds et malentendants qui permet de tenir des vidéoconférences et de communiquer en langage des signes. Ça, c'est la société Viable. Un ordinateur portable vert dont la coque est faite d'un plastique de maïs biodégradable de Fujitsu, déjà commercialisé au Japon. Peut-être une solution pour les quelques 14 à 20 millions d'ordinateurs jetés à la poubelle chaque année aux États-Unis. Des haut-parleurs en verre, les membranes sont incorporées à du verre transparent et comme suspendu dans l'air, un produit déjà existant que la société française Waterfall veut lancer aux États-Unis. Et finalement, plusieurs objets alimentés par des piles à combustible portative, une pile équipée de batteries spéciales mais que l'on recharge aussi tout simplement avec de l'eau. Hydropack, capable de recharger les petits appareils portables et de la taille d'une petite valise, et même une petite pile qu'on recharge avec un mélange de 10% vodka et 90% eau. Capable de faire tourner un mini-ventilateur. Ça, c'est la société Horizon Fuel Cell et Millennium Cell. L'article de l'agence France Presse écrit vraiment à la volée sans avoir été vérifié après, j'imagine. Dans le cadre de sa conférence au Consumer Electronics Show, le CES, Microsoft a annoncé que Disney, ABC Television Group, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, MGM, supporteront maintenant Xbox Live Video. Dans les prochaines semaines, les joueurs vont commencer à voir apparaître des émissions et des films reliés à ces deux géants. Du côté de Disney et ABC, des émissions comme Lost, Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Anna Montana et d'autres pourront être téléchargées en format standard ou haute définition. Et des films récents de Disney comme High School Musical 1 et 2 seront aussi offerts. Et MGM ouvrira les portes de sa filmographie en rendant disponibles des œuvres comme Rocky, Dances with Wolves, Terminator, Le Silence des Agneaux et d'autres. Le groupe japonais spécialisé dans l'électronique grand public Matsushita et le géant d'Internet Google ont annoncé dans le cadre du CES qu'ils s'associaient dans le but de fabriquer un téléviseur capable de se connecter sur le web. Le Viera HD PZ 850 de Panasonic, une marque appartenant au groupe Matsushita, serait capable d'offrir un accès simple et rapide à du contenu sur la toile. Par exemple, l'internaute pourra visionner des vidéos sur le populaire site YouTube ou regarder des vidéos grâce au site Picasa, grâce à Picasa. Rappelons que Google est propriétaire de ces deux sites. D'après M. Sakamoto, président de Panasonic AVC Networks, les gens pourront pour la première fois, grâce à cet appareil, profiter de YouTube sur un écran panoramique spécialement conçu et tout ça dans le confort de leur salon. Le PZ850 sera disponible dans 4 modèles différents. La grandeur de l'écran variera entre 46 et 65 pouces. Si tout va bien, cette télévision arrivera sur les tablettes au printemps prochain en Amérique du Nord. Aucun prix n'a encore été communiqué. Il est bon de mentionner que d'autres compagnies comme Sony ou Sharp conçoivent des télévisions ou des accessoires permettant de surfer le web dans son salon. L'article vient de branchezvous.com. Lors de son traditionnel discours pour inaugurer la nouvelle édition du CES de Las Vegas, Bill Gates a tenté de prévoir comment évolueront les produits électroniques dans les 10 prochaines années. Selon le président de Microsoft, la prochaine décennie d'évolution technologique sera encore plus effrénée que les 10 années précédentes. La dernière décennie numérique a été un énorme succès, mais ce n'est qu'un début, a-t-il déclaré. Bill Gates a notamment avancé qu'Internet sera disponible partout et que les logiciels et les données pourront être accessibles en tout temps sur le web par n'importe quel appareil électronique. Le cofondateur de Microsoft a souligné que la dernière décennie a été marquée par la souris et les claviers, mais que les 10 prochaines années seront celles où les écrans tactiles et les contrôles gestuels gagneront en popularité. Dans 10 ans, Bill Gates prévoit également que plus d'1 milliard d'ordinateurs seront utilisés quotidiennement et que 40% de la population disposera d'un téléphone cellulaire. La vidéo haute définition pourra quant à elle être regardée sur toutes les surfaces, des murs en passant par les tables, a-t-il dit. Soulignons que ce discours inaugural pour la nouvelle édition du CES était le dernier prononcé par Bill Gates. Avant de quitter Microsoft, comme on dit. C'est tellement beau à voir. La suite, au retour, on s'en va entendre Hey Girl de Figurines à la connexion au 89.1 FM. Avec Hey Girl à la connexion à CFOU 89.1 FM. On était en plein milieu du bloc à thème sur le CES et continuons-le, ce bloc à thème. On est en train de parler de Bill Gates qui participait à son dernier CES. Donc, ce discours inaugural pour la nouvelle édition était le dernier prononcé par Bill Gates avant qu'il n'entame sa retraite partielle de Microsoft pour se consacrer davantage à sa fondation humanitaire. En juillet prochain, Bill Gates quittera en effet ses fonctions de directeur technique de Microsoft pour travailler davantage à la Bill & Melinda Gates Foundation. Il restera tout de même président de l'entreprise qu'il a cofondée en 1975 avec Paul Allen, mais agira surtout à titre de conseiller spécial. Lors de son discours, Bill Gates a d'ailleurs présenté une vidéo humoristique montrant comment se déroula sa dernière journée régulière de travail à Microsoft. On voit notamment se chercher un nouvel emploi pour devenir guitariste de U2, jouer dans un film de Steven Spielberg ou pour pouvoir travailler auprès des candidats présidentiels démocrates Hillary Clinton et Barack Obama. Allez voir la vidéo sur YouTube. L'article « Bill Gates participe à son dernier CES », le lien est là-dedans. Et c'est sur le www.unechance.com qu'on retrouve cela. Toujours au CES, des téléviseurs encore plus grands. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. Comment faire pour vous démarquer de vos concurrents quand tout le monde partage le même espace et que tout le monde prétend avoir le meilleur produit? C'est ce que demande Canoë. Eh bien, c'est probablement ce que sont dit les fabricants de téléviseurs géants à l'occasion du CES. Donc, ce qu'on trouve là-bas, c'est la compagnie Sharp qui a développé un téléviseur à cristaux liquides d'une grandeur de 108 pouces mesurés en diagonale. Incroyable. Panasonic a contre-attaqué avec un téléviseur plasma de 150 pouces 3,8 mètres. Hein? Panasonic, avec sa technologie au plasma, peut se vanter d'avoir le produit, d'avoir produit le téléviseur le plus grand au monde. Mais en réalité, il faut savoir que Panasonic a fait des pieds et des mains au cours des dernières semaines pour conclure un accord avec Hitachi et Canon dans le but de produire des téléviseurs à cristaux liquides. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'article dit sans doute que la technologie à cristaux liquides est en train de se tailler la part du lion au détriment de la technologie au plasma et que Panasonic le sait, d'où sa décision de se lancer dans les téléviseurs ACL. Mais soyez patients, dit l'article qui date de quand même il y a quelques jours. D'ici la fin du salon, les fabricants de téléviseurs vont présenter les nouveaux appareils utilisant la technologie OLED qui, selon certains, devrait remplacer le plasma et les cristaux liquides. L'entreprise... Ah oui. Selon Radio-Canada.ca maintenant, le coup de foudre du CES 2008 du journaliste Bruno Guglielminetti, c'est un petit robot dinosaure qu'il a eu la chance de voir et de toucher alors qu'il a fait la connaissance de son inventeur, John Sosoka. Pour donner une idée de la petite bête, Pléo, regardez la vidéo dans l'article et vous verrez comment le petit Camarasaurus de 2 semaines arrive à faire beaucoup plus vrai que le très célèbre petit chien Aibo de Sony. Et puis tiens, un autre bel article ici, là, du CES que je recherche encore. Il est ici, voilà. Ah, tiens. Le succès d'une entreprise québécoise au CES. Oui, une entreprise québécoise au CES qui a du succès. C'est ce que dit l'article. Qui est en train de se charger. Ça s'en vient. Voilà. Ah, ben c'est pas ensemble, on va faire les jeux les plus vendus au Japon pour la semaine. Et waouh, ça s'en vient, la semaine du 17 décembre, voilà. En 5e position, on retrouve Naruto, Naruto Ultimate Axel 2 sur la PS2. En 4e, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. En 3e, Wii Fitness sur la Wii. En 2e, Final Fantasy 4 sur la DS. Et en première place, on retrouve Mario Party DS. Ah oui, pourquoi pas. Et regardons maintenant les consoles les plus vendues au Japon pour la semaine du 17 décembre. En 3e position, on retrouve la PSP avec 171 000 ventes. En 2e, c'est la Wii avec presque 233 000. Et en première position, c'est la Nintendo DS avec 280 000 ou presque ventes pour un total de 20 954 157 consoles sur le total. L'article de Radio-Canada ne veut pas revenir. Donc, pour l'instant, parlons un petit peu de technologie rapidement. Pourquoi pas? On va faire ça vraiment vite. Je vais vous laisser aller lire les articles sur lunechance.com. Pas que les nouvelles sont pas importantes, mais on manque de temps. Paramount, qui était un des derniers studios américains soutenant le format HD-DVD dans la guerre, qui est présentement un des derniers studios américains soutenant le format HD-DVD dans la guerre contre le Blu-ray, s'apprêterait à changer son fusil d'épaule selon ce que révèle le quotidien Financial Times. La nouvelle tomberait bien mal pour le consortium mené par Toshiba, qui a vu l'un de ses derniers alliés, Warner Brothers, se rallier exclusivement au format Blu-ray de Sony. On en parlait à la connexion. Je crois qu'on en parlait à la connexion en décembre. Donc Paramount et DreamWorks Animation se sont joints au format HD-DVD l'été dernier, mais des sources familières affirment que Paramount posséderait une clause lui permettant d'annuler son engagement si Warner possède également une telle clause. Voilà. Ensuite, la dernière grande étiquette de disque à n'offrir que des chansons protégées pour téléchargement baisse finalement les bras et offrira d'une façon particulière des pièces sans protection au Canada. On parle de vendre la musique sans protection, mais en carte qu'on va acheter en magasin au coût proposé de 13$. La carte sera propre à un artiste et il sera ensuite possible de télécharger l'album et les extras depuis le site musicpass.com. Ah ouais. Au moment du lancement à la fin du mois de janvier, ce n'est pas le catalogue de Sony en entier qui va être disponible sans DRM, sans barrure, sans cadenas sur les pièces, mais plutôt 37 albums, dont celui de Céline Dion, celui des Backstreet Boys et Tony Bennett, et les compilations 70s Pop Hits et Everlasting Love. Donc, on va pouvoir acheter des cartes à la place d'un CD avec des cartes qui seront bonnes que pour cet artiste. Tiens, nouvelle rapide, passons vraiment très très vite. Un livre édité aux États-Unis révèle qu'Alexandre Graham Bell n'aurait pas inventé le téléphone, il aurait volé l'idée à un rival. L'article est sur lunechance.com. Il y a aussi le créateur des bougons qui s'est fâché contre Bell, sur YouTube. Il y a des retours là-dessus, je vais vous laisser aller lire ça. Presque 2 milliards de SMS ont été envoyés en 2007, selon une étude de la maison de recherche Gartner. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi sur lunechance.com? Quelques jeux pour le bureau. On a répertorié les meilleurs jeux gratuits qui se jouent principalement sur PC pour l'année 2007 dans 30 catégories. C'est selon le site tigsource.com. Le lien est sur lunechance.com. J'ai aussi posté, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle de gadgets ou est-ce que je parle de choses autour du gadget? On va faire les deux. L'émission est la plus rapide cette semaine que vous avez jamais entendue probablement. Je vous comprends d'être peut-être un petit peu à bout de souffle, et moi-même, mais parlons quand même de gadgets. Et on va voir le nombre de pages de Gizmo qui réussissent à se charger sur l'ordinateur. Pour ceux qui n'ont pas assez de leur poche sur leur pantalon, pourquoi ne pas acheter une ceinture avec des genres de sacs pour ajouter des poches à vos pantalons? Le Hip and Shoulder Holster, vous pouvez le mettre sur votre épaule aussi. Ça coûte seulement 23$. C'est via le holdastelero.com. Le lien est sur le unechance.com. Comme toujours, le prochain, c'est un nouveau clavier pour les gamers qui vous permettent d'afficher des touches de différentes couleurs. Sur votre clavier, par exemple, vous pouvez avoir des touches orange, des touches rouges. Pour les trouver plus facilement, c'est via le site ctech.com, passez par lunechance.com. Tout se charge en direct devant moi, c'est magnifique. Ah tiens, une carte d'affaires vraiment géniale. À la place d'avoir un numéro de téléphone sur la carte, le gars, il a écrit les étapes et derrière, il y a un genre de petit appareil, un petit circuit, vraiment quand même facile à faire, qui reproduit les bips de téléphone. Et vous savez que les téléphones peuvent comprendre ces bips-là, même si c'est pas des, même si vous appuyez pas sur les boutons. Le téléphone comprend ces bips, donc ça, c'est une carte d'affaires, c'est vraiment cool. C'est Extreme Business Cards via Makeblog. Ensuite, prochain article, un siège de toilette qui change de couleur pour vous dire qu'il a été utilisé récemment. S'il a été utilisé récemment, il va être rouge et il va devenir de plus en plus orange jusqu'à devenir jaune et puis bon. Donc c'est via Uber Gizmo, voilà. Un compteur de fois que votre bébé, disons que vous êtes une femme enceinte, le bébé botte votre ventre, et bien c'est un compteur de coups de pied de bébé. Un miroir extra large pour votre voiture qui vous permet d'éliminer ce qu'on appelle les blind spots en anglais, je me rappelle pas du nom en français, ça coûte 60$, c'est pour voir plus large dans votre voiture quand vous regardez en arrière. Une carte, c'est une carte qui se déplie et devient un tripod, un trépied pour votre caméra photo. Ça coûte 8$, disponible en plusieurs couleurs, le Fuzzy Tripod, c'est sur timetail.com.au. Ensuite, un design de poubelle vraiment génial. C'est seulement des genres de morceaux de je sais pas quel matériau. J'ai pas vraiment lu en dessous, mais quand même, des barres avec des épingles à linge pour faire sécher votre linge et vous accrochez le sac après ça. C'est super beau. Ça s'appelle le Omin Trash Can sur Like Cool. Ensuite, je vais en sauter quelques-uns quand même. Une barre, tu sais, quand on branche plusieurs appareils sur une même barre dans le mur, là, bon, une barre de surtension, qui vous permet de comment dire, éjecter, si on peut dire, le fil sans avoir à tenir le fil. C'est juste un bouton dessus, je trouve ça vraiment cool sur chaque chose, sur chaque prise. Empêchez vos enfants de toucher votre alcool avec un bouchon, avec une combinaison dessus que vous mettez sur la bouteille. Vraiment cool. Un tapis spécial fait pour cacher les fils entre les tapis, entre les différentes parties du tapis. Très, très beau aussi. Bon, voilà, je pense que... Ah, il y a aussi une pince pour faire des boules de neige parfaites, comme de la crème glacée. Je vais pas ne pas mentionner ça. C'est vraiment très, très génial. Tu sais, j'avais dit qu'on ferait les deux dernières chroniques. Hein, donc, voici un petit tour rapide du net. C'est passé autour du net, c'est passé des tonnes de choses. J'ai passé sur lunechance.com vers le bas de la page En attendant vlog, qui est un paquet de vraiment très très cool vidéos, hein, de vidéos très cool. Il y a le jeu de Mario le plus difficile au monde. C'est pas un vrai jeu, en tout cas je crois pas, mais c'est vraiment drôle. Il y a plein de choses qui se passent une après l'autre, ça dure quand même assez longtemps, il y a beaucoup de prises. Ça ressemble à Mario, il y a des choses bizarres qui se passent dans le jeu qui font que c'est le jeu le plus difficile au monde. Hein, donc allez voir ça, c'est sur GameTraders.com. Il y a aussi un paquet d'intros de vos émissions préférées à la télé. Il y a aussi un documentaire sur le 20e anniversaire de Metal Gear Saga. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment un paquet d'affaires. Un gars qui parle de la police de films. Tu sais, sur les posters de films, c'est souvent la police Trajan qui est utilisée. Et le gars fait un éditorial là-dessus, c'est très très drôle. Il y a aussi, j'ai posté dans la même section en attendant vlog, un pool, un bassin sur Flickr, qui est un site d'hébergement de photos, qui vous montre plusieurs, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affiches de films avec Trajan comme police utilisée. Ensuite, tiens, une comparaison. Vous jouez à Rock Band, le jeu vidéo. Vous pouvez jouer, bon, il y en a un qui joue de la batterie, l'autre joue de la guitare, l'autre chante. vous pensez sonner d'une certaine façon dans votre salon, mais si on enlève la musique et qu'on fait juste vous écouter, vous, en tant que band, c'est vraiment affreux. Il y a une vidéo sur, GamesRadar.com qui vous montre de quoi vous avez l'air. Il y a un paquet d'autres vidéos et sur le net, plusieurs photos, plusieurs dessins vraiment beaux. Il y a aussi, les pires et les meilleurs, couvertures de jeux vidéo qui sont sortis en 2007. Il y a aussi un fan club qui veut ramener le jeu Shantae. Ils veulent qu'il y ait une suite à ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Un catalogue, des vieux catalogues de Noël. C'est vraiment cool d'aller voir ça. Et aussi The Jingler, qui vous permet de prendre des pièces, n'importe quelle pièce MP3, et la transformer en musique de Noël en mettant des petits jingle bells partout là-dedans. Et à ce qui paraît que c'est très, très beau. Mais c'est la fin de la connexion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission qui résumait tout ce qui s'est passé sur Internet depuis le 17 décembre, depuis la dernière émission. Donc, émission très chargée. La semaine prochaine, on résumera seulement la semaine en cours. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi d'écouter le poste d'écoute les vendredis matin à 10h et les palmarès, c'est fou, les vendredis soir à 17h. Je vous retrouve là-bas. La connexion est en direct les jeudis à 11h, en rediffusion les mardis à 9h. De la part de toute l'équipe fictive, allez voir lunechance.com. Faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. Dash.com.